agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Le drapeau de la France. C'est le drapeau de nos armées victorieuses, c'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont différentes. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. N'en déplaise à quelques esprits chagrins ou irréductiblement sceptiques, il est loisible de considérer que l'efflorescence des drapeaux tricolores un peu partout, après le drame du 13 novembre dernier, est d'importance sur la longue durée, tout comme l'est aussi cette Marseillaise qui a jailli spontanément à l'Assemblée nationale, puis au Congrès de Versailles, et aussi parmi la foule, place de la République, et dans bien d'autres lieux. Je parle de la longue durée, et c'est bien sous sa lumière qu'il convient de replacer, pour mieux en prendre la mesure, le phénomène collectif dont il s'agit ici. Nous allons donc parler des emblèmes que la France et la République se sont choisis pour elles-mêmes au long des âges, du mystère de leur origine, de leur prégnance dans les esprits et dans les cœurs, des turbulences qu'ont connues leurs usages, de leur efficacité pour unir, tout comme en sens inverse, de leur force symbolique pour entretenir les déchirements de la nation. N'allons pas parler seulement de vexillologie. Chacun sait, n'est-ce pas, que c'est la science des drapeaux, des étendards et des pavillons, pas seulement de vexillologie, pas seulement de couleurs, triomphant seuls ou rassemblés, mais aussi de divers animaux, le coq, l'aigle, l'éléphant ou l'abeille, mais aussi de Marianne, mais aussi du bonnet phrygien, mais aussi, vous allez voir. Et c'est naturellement de Michel Pastoureau que je vais solliciter les lumières. Michel Pastoureau, que j'ai toujours bonheur à accueillir à ce micro, afin de tirer profit de sa science, de sa subtilité et de sa sagacité. Cocorico, le coq a chanté sous l'éclat de l'aube nouvelle. Et quand il a battu des ailes sur un sol d'immortalité, dans un suprême et mâle sursaut, frémissant, farouche et tenace, le coq a lancé dans l'espace son appel à tous les échos. Cocorico, cocorico, cocorico. Notre histoire a connu parfois la rigueur de bien dure loi, mais rien ne fait perdre courage malgré les remous de l'orage. Car sitôt passé l'ouragan, l'âme forte et d'un cœur ardent, chacun se grisant d'espérance, reprend sa tâche avec vaillance. Un chant monte dans un frisson, ravivant l'or de nos moissons. Cocorico, le coq a chanté sous l'éclat de l'aube nouvelle. Et quand il a battu des ailes sur un sol d'immortalité, dans un suprême et mâle sursaut, frémissant, farouche et tenace, le coq a lancé dans l'espace appel à tous les échos. Cocorico, cocorico, cocorico. Cocorico. Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Le coq étant voué à prendre quelque place dans notre conversation, c'est un des emblèmes de la France. Je vous ai offert, pour commencer cette émission, Cocorico, c'est une chanson de 1916. On sent bien l'atmosphère de la Grande Guerre en son mi-temps. Une chanson de 1916 qui est chantée par Simone Réal, naturellement plus tard, en 1955. Les auteurs en sont, il faut toujours honorer les auteurs, Bertal, Louis Mauban et Louis Daniderf. Michel Pastoureau, ce coq-là, vous l'avez fréquenté, vous l'appréciez, vous le connaissez, vous êtes prêt à le célébrer ? Je suis prêt à le célébrer, d'autant que c'est le plus ancien emblème de la France, c'est celui qui, au fond, s'est compromis avec tous les régimes, donc je crois qu'il faut commencer par lui. Aujourd'hui, d'ailleurs, la France n'a qu'un seul emblème officiel, son drapeau tricolore, défini par l'article 2 de la Constitution de 1958. Et c'est un handicap par rapport aux pays voisins qui, en plus de leur drapeau, ont d'autres emblèmes, généralement des armoiries. Donc, dans les réunions protocolaires, il y a un trou à la place de la France. Sous le drapeau, on ne sait pas quoi mettre. Allons bon. Oui, en général, on met la lettre F ou RF pour République française, voire la carte de France. C'est assez pauvre, évidemment. Et moi, je suis de ceux qui militent pour que le coq accède au statut d'emblème officiel et pas seulement officieux. Je m'arrête un instant sur le terme emblème, parce qu'on parle de symbole, d'emblème. Bernard Richard, qui vient de publier un livre important sur les emblèmes de la République, il insiste beaucoup en commençant. Oui, la langue courante a tendance à confondre le mot emblème avec le mot symbole, mais ça n'est pas la même chose. Un emblème, c'est un signe qui dit l'identité d'une personne ou d'un groupe de personnes, éventuellement d'une personne morale, comme la France. La France a des emblèmes, elle n'a pas des symboles. Le symbole, c'est un signe qui renvoie, non pas à une personne ou à un groupe de personnes, mais à une idée, un concept, quelque chose d'abstrait. Donc la différence, elle est du côté de ce qui est signifié. Mais évidemment, parfois, la frontière est un peu floue. Le drapeau tricolore, c'est l'emblème de la France, mais les couleurs qui le composent peuvent avoir une signification symbolique, ou lui-même peut être emblème de la France et symbole des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Et en voyant tous ces drapeaux qui ont surgi sur les balcons, dans les villes de France, à Paris notamment, mais ailleurs aussi, presque comme dans le fameux tableau de Claude Monet de 1878, le 30 juin 1878, qui est couvert de drapeaux tricolores, en voyant surgir ces drapeaux, on redécouvre que leur force, que leur capacité d'expression civique ne s'est pas affadie. Non, les drapeaux sont des emblèmes extrêmement forts et plus ils sont simples, plus cette force est prégnante. Les régimes totalitaires, d'ailleurs, ne s'y trompent pas, qui multiplient les mises en scène de leurs drapeaux, parfois de manière quelque peu inquiétante. Dans les démocraties occidentales, il ne s'agit pas de cela. Au contraire, c'est peut-être l'excès inverse. Nos drapeaux ont été, à telle ou telle période récente, un peu trop discrets. Peut-être faut-il en effet les ressortir pour essayer de renforcer des idées qui sont menacées. L'entreprise qui en fabrique, entreprise Doublet, dans le nord de la France, dit qu'elle a multiplié par deux, par trois, par quatre le marché des drapeaux après le drame du 13 novembre dernier. Oui, c'est assez significatif. C'est la petite histoire, évidemment, mais on aimerait disposer comme cela. Moi qui suis historien, j'aimerais avoir des archives sur la fabrication des drapeaux, les comptes, les nombres, et puis faire des comparaisons de décennie en décennie, et puis avec les pays voisins. Je suis frappé, quand je vais dans les pays voisins, il y a des pays où les drapeaux nationaux sont très très discrets, et d'autres où ils sont fréquemment sortis. Par exemple, en Allemagne, on voit assez rarement le drapeau fédéral. En Suisse, encore moins. On voit les drapeaux cantonaux. Ça pose d'ailleurs les problèmes des rapports entre l'État et la nation. Toute l'histoire des emblèmes tourne autour de ces deux idées. Et en Europe, il y a des pays où la naissance de la nation a précédé celle de l'État. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie. Et puis d'autres où c'est le contraire. Et la France appartient à ces pays où la naissance de l'État a précédé celle de la nation, et même de beaucoup. L'État français, il est là dès Philippe Auguste. La France est un pays étatique et très centralisé, alors que pour la nation, il faut attendre le XVIIIe siècle, au fond. Ça explique d'ailleurs pourquoi on a tant de mal à décentraliser. C'est un peu naïf, d'ailleurs, de croire qu'on peut décentraliser un pays comme la France, qui est centralisé depuis près d'un millénaire. On peut le faire, mais pas en quelques décennies. Ça va prendre beaucoup de temps. Cela nous ramène peut-être, Michel Pastoureau, au coq de la chanson de tout à l'heure, Gallus. Je voudrais que nous en parlions pour commencer et que nous expliquions, que nous resituions la présence de ce gallinacé prestigieux parmi nos emblèmes nationaux. Le coq est en effet le plus ancien emblème de la France en raison d'un jeu de mots. Le nom ancien de la France, Gallia, la Gaule en latin, est voisin du nom latin qui désigne l'oiseau, Gallus. D'ailleurs en latin classique, Gallus c'est à la fois le coq et le Gaulois, l'habitant de la Gaule. Et ce sont les Romains qui font ce jeu de mots et ce sont eux qui associent cette image du coq à la Gaule et aux Gaulois. César, par exemple, dans la guerre des Gaules, à deux reprises, compare la fougue des Gaulois au combat, au tumulte des coqs. Donc c'est un animal qui est né au fond à l'étranger pour emblématiser notre pays et qui longtemps a été quelque peu imposé, sinon subi, parfois de manière ironique, parfois de manière admirative. L'Antiquité romaine admire beaucoup le coq. Hein. C'est un oiseau respecté, vertueux, messager des dieux, vaillant au combat, très fécond, fertile, qui protège ses poules contre les ennemis. Bref, il n'est pas pris en mauvaise part et l'idée qu'un emblème puisse naître d'un jeu entre deux mots n'est pas une idée péjorative dans l'Antiquité romaine ni même au Moyen-Âge. Et pourtant Isidore de Séville refuse cette étymologie. C'est le christianisme, en effet, qui va partir en guerre contre le coq, comme il part en guerre contre toute la symbolique animale. Il préfère de beaucoup les végétaux aux animaux. Et alors Isidore de Séville, en effet, voit dans le mot gallus une toute autre étymologie. Il voit dans cet oiseau un oiseau castré. Cela va nuire beaucoup à la réputation du coq. Et au fond, jusqu'en plein cœur du Moyen-Âge, la valorisation du coq va se faire plus discrète, et c'est au XIIe et XIIIe siècle, dans les guerres du Royaume de France contre les royaumes voisins, que la propagande, qui existe déjà à cette époque, va remettre sur le devant de la scène l'image du coq pour l'associer soit au roi de France, soit aux chevaliers qui combattent pour lui, et c'est un emblème dont l'étranger se moque, bien sûr. D'autant que le christianisme a tendance à multiplier ses vices. À tous ceux qu'on a évoqués, il faut ajouter la luxure. Le coq est luxurieux. Les auteurs du Moyen-Âge débattent pour savoir s'il lui faut 6 poules, 8 poules, 10 poules, 12 poules pour assouvir ses instincts sexuels. Donc c'est un emblème plutôt dépréciatif, imposé par l'étranger à la Gallia, c'est-à-dire au Royaume de France. Et puis on va assister à un renversement de valeur, cet emblème au fond subi, qui était né dans la Rome antique, à la fin du Moyen-Âge, va se retourner et va être un emblème pleinement assumé par les Français eux-mêmes et par le roi de France, qui va s'auto-désigner comme le Gallus qui protège ses sujets. Ça se fait lentement entre le milieu du XIVe et la fin du XVe siècle, mais à l'époque des guerres d'Italie, au tournant des XVe-XVIe siècles, l'affaire est entendue, le roi de France, c'est le coq, et tout cela est pris désormais en bonne part, et ce sont les Français eux-mêmes qui s'emblématisent par l'image d'un coq. La guerre de propagande dans les années 1500, le met fréquemment en scène. Il pose sa patte sur le globe terrestre. Alors, il est maître du monde, et c'est une image qu'il va traverser tout l'Ancien Régime, et même les 19e et 20e siècles, ce coq gaulois, car il vient de la Gaule, Gallus Gallia, peut apparaître comme le maître du monde. C'est ce qui se passe à l'époque des guerres d'Italie. François Ier a trouvé dans le coq une image qui lui a particulièrement plu. Mais c'est surtout ce qui va se passer pendant le règne de Louis XIV. Vous voyez Versailles. Versailles, où le coq est fréquemment montré. Le roi Soleil a pour attribut un coq qui salue le lever du soleil. Et c'est à cette époque d'ailleurs que le coq commence à devenir l'image de la nation. Le soleil, c'est le roi, et le coq, c'est la nation qui entoure le roi, le salue, l'admire. Louis XIV demande même à Lebrun de créer un ordre français, à côté des ordres doriques, corinthiens et autres, un ordre qui ferait alterner en architecture les fleurs de lys et Lecoq, ce qui est fait. Le projet de Lebrun est retenu et on le voit encore dans la Galerie des Glaces aujourd'hui à Versailles. La Révolution ne représente pas à cet égard une rupture, puisque Lecoq est très populaire dans les années 1789 et suivantes, et également sous le consulat. Il y a un moment intéressant où on voit Bonaparte hésiter quant à l'animal dont il va se saisir pour en faire un emblème de l'Empire en gestation. La Révolution française est partie en guerre contre les emblèmes de l'ancienne monarchie, contre l'État d'ancien régime, mais elle a gardé deux emblèmes qui étaient non pas figures d'État mais figures de la nation à la fin du XVIIIe siècle, le coq et la couleur bleue, qui deviennent des emblèmes de la République en marche. Surtout le coq, au début, c'est l'image de la nation, c'est l'image du peuple vigilant, et on le voit dès 1789 sur de très nombreux documents officiels et officieux. Il va avoir une décennie pendant laquelle, 89-99, où il accède presque au rang de figure d'État parmi tout le bric-à-brac des emblèmes révolutionnaires. C'est lui, au fond, qui a la vedette. Ça va durer jusqu'au consulat. Et puis, quand Bonaparte s'apprête à fonder un régime nouveau, l'Empire, au printemps 1804, il recherche un emblème nouveau pour cet futur empire. Il y a un moment d'hésitation là qui est fort intéressant à restituer. Oui, on a la chance d'avoir gardé beaucoup d'archives, la correspondance de Bonaparte lui-même, des notes remises par ses conseillers. Il prend en effet conseil. Les avis sont partagés. Cambacérès, qui est le second consul et qui sera sous l'Empire un homme extrêmement influent, est partisan des abeilles. Pour lui, les abeilles, c'est une république, mais une république qui a un chef, un roi, comme l'on croit sous l'Ancien Régime, ou une reine, comme on va le croire au XIXe siècle. Ségur, le vieux Ségur, qui est un homme d'Ancien Régime, penche plutôt pour le lion. Duroc, qui est pacifique, futur grand maréchal du palais, préférerait un végétal. Et on parle même de l'éléphant. Dans son entourage, Bonaparte a plusieurs voix qui s'élèvent pour l'éléphant, le plus fort de tous les animaux. Il fait voter le Conseil d'État, et à sa grande surprise, le Conseil d'État, au mois d'avril 1804, vote pour le coq. Alors là, ça n'est pas possible, parce que Bonaparte n'aime pas du tout à titre personnel cet oiseau de basse-cour qui semble, à ses yeux, et il n'a pas tout à fait tort, ne pas faire le poids vis-à-vis des lions, des aigles, des léopards, des peuples ennemis. Et finalement, c'est sous l'influence de Vivant Denon, le directeur de la Monnaie du Muséum Central des Arts. L'auteur de cette merveilleuse nouvelle qui s'appelle « Point de lendemain ». C'est un polygraphe, un homme qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a déjà un passé très riche derrière lui. Il est également un grand musicologue. Il souligne que tous les empires ont eu pour emblème l'aigle, et donc qu'il faut choisir l'aigle, et Bonaparte se range à son avis, un peu dans la précipitation. L'empire est proclamé au mois de mai 1804, et pour le sacre du mois de décembre, il faut fabriquer un certain nombre d'objets, d'insignes, d'étoffes, de décors. L'aigle va être mis en scène un peu partout. Alors comme au moment de la Restauration, tout ce qui est impérial est détesté, on rejette à la fois l'aigle et le coq. Et on voit Béranger, dans les années 1820, s'écrier dans une chanson qui s'appelle « Le vieux drapeau ». Son aigle est resté dans la poudre, fatigué de lointains exploits, rendons-lui le coq des Gaulois, il sut aussi lancer la foudre. Alors le coq lançant la foudre, il faudrait faire une image. Oui, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que sous la Restauration, les emblèmes de la Révolution d'une part, de l'Empire de l'autre, doivent se faire plus discrets, où sont les emblèmes de l'opposition. Le drapeau blanc réapparaît, les fleurs de lys également. Il faut attendre la monarchie de juillet pour que, en même temps que le drapeau tricolore, le coq soit de nouveau réinstallé à la hampe des drapeaux. Louis-Philippe n'avait rien contre le coq, mais vers la fin de son règne, une maladresse du maréchal Soult, alors ministre de l'Intérieur, qui avait fait remplacer ce coq des drapeaux par des fleurs de lys, a été mal prise, et la Révolution de 1848 a remis pleinement le coq sur le devant de la scène, et l'a même fait inscrire sur le grand sceau de la République. On voit la République assise qui tient le gouvernail de l'État, et sur le gouvernail de l'État, il y a ce coq qui pose la patte sur le globe terrestre. Toujours. Et il y est encore, puisque la 3e, la 4e et la 5e République ont repris à quelques détails près le grand sceau de la Seconde République. Et donc, notre sceau actuel, le sceau de la 5e République, celui qui incarne le mieux la France en tant que personne morale, nous montre, parmi différents emblèmes, l'image de ce coq qui vient donc de très très loin. Eh bien voilà donc le coq républicain célébré comme il convient. Mais maintenant, Michel Pastoureau, je voudrais que nous en venions au drapeau, puisque la manière dont il a ressurgi ces temps-ci a été à l'origine de cette émission. Et pour commencer, la lecture d'un discours de Lamartine, qui est le chef du gouvernement provisoire en 1848, après la révolution de février, à qui la foule à l'hôtel de ville réclame qu'on adopte le drapeau rouge. Il proteste dans des propos qui sont restés célèbres. Cette lecture est de Michel Vignier dans l'émission « Lieu de mémoire » sur France Culture, le 8 mai 1997. Vous pouvez faire violence au gouvernement. Vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France si vous êtes mal inspiré et assez obstiné dans votre erreur pour lui imposer une république de parti et un pavillon de terreur. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous enlevez la moitié de la force extérieure de la France. Car l'Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l'Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d'un parti. C'est le drapeau de la France. C'est le drapeau de nos armées victorieuses. C'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis. Lamartine, je le rappelle, est chargé des affaires étrangères dans le gouvernement provisoire de 1848. Il marque bien dans ce texte qui est resté fameux, peut-être un peu réécrit après coup, mais qu'il a dû prononcer pour l'essentiel ce jour-là, au tout début de la révolution de 48. Ce texte marque bien que le drapeau tricolore, le nôtre, a dû se définir contre le drapeau rouge, mais aussi contre le drapeau blanc, il faudra le dire, et contre le drapeau noir. Oui, moi, j'ai vu en mai 68 le drapeau tricolore débordé sur sa gauche, bien sûr, par le drapeau rouge, mais le drapeau rouge lui-même débordé sur l'ultra-gauche par le drapeau noir. Donc il y a une guerre des emblèmes, et un emblème répond toujours à un autre emblème. Il n'y a pas d'emblème isolé. Donc on ne peut pas faire une étude pleinement monographique de tel ou tel emblème, mais il faut évidemment le comparer, l'associer, l'opposer à d'autres emblèmes. Et les drapeaux fonctionnent pleinement de cette façon-là. Il faut ajouter le drapeau blanc, puisque en 1870, dans les années 1871 et suivantes, une des raisons pour laquelle on n'a pas vu réapparaître la monarchie, c'est que le comte de Chambord, chef de la branche aînée, a refusé le drapeau tricolore au profit du drapeau blanc. D'ailleurs, aujourd'hui, cela paraît un peu bizarre, puisque la monarchie n'avait jamais eu, en réalité, avant 1789, le drapeau blanc comme emblème. Non, le drapeau blanc ne se porte qu'aux armées. C'est l'emblème qui permet de reconnaître la personne du roi. Drapeau blanc, cravate blanche, panache blanc. Quand Henri IV dit « ralliez-vous à mon panache blanc », il s'agit du signe de reconnaissance qui désigne le roi en tant que chef des armées, mais seulement sur le terrain militaire. C'est la Restauration qui a fait du drapeau blanc, au fond, un drapeau dynastique et monarchique. Et donc, sous les républiques du XIXe siècle, il est devenu l'emblème des royalistes. Et le comte de Chambord, en effet, n'a jamais voulu accepter le drapeau tricolore, voulait être fidèle à ce qu'il croyait être le drapeau d'Ancien Régime, le drapeau blanc, ce qui n'était pas le cas, jusqu'en 1873, moment où il a renoncé. Et donc, la République a été définitivement proclamée donc en 1875. Alors revenons à la naissance du drapeau tricolore, qu'on fait toujours remonter au début de la Révolution. Il y a un peu de légendaire autour de cela. Oui, aussi curieux que cela puisse paraître, nous connaissons assez mal, au fond, non seulement l'histoire, mais même les origines de notre drapeau tricolore. Les origines, c'est toujours difficile à saisir quand on considère un emblème. Oui, d'une part, les historiens n'ont pas tellement travaillé sur les drapeaux, comme s'il se méfiait quelque peu de cet objet d'histoire. Bien sûr, nous avons des répertoires, des monographies, mais rien n'est très très ambitieux. Il faudrait des ouvrages collectifs sur ces fonctions du point de vue politique, liturgique, sociologique. Le drapeau, c'est un magnifique objet d'histoire, mais qui demande une certaine prudence. Alors, dans le cas du drapeau tricolore, il y a l'idée, la légende peut-être, de la cocarde tricolore adoptée par Louis XVI. Voilà, à l'origine du drapeau tricolore, il y a la cocarde tricolore. En fait, c'est elle qui s'entoure d'un certain mystère. On raconte dans beaucoup de livres d'histoire que cette cocarde est née au lendemain de la prise de la Bastille, probablement le 17 juillet, quand le roi Louis XVI est venu à l'hôtel de ville, et qu'elle associe le blanc, couleur du roi, et le rouge et le bleu, couleur de la ville de Paris. Ça n'est vrai que partiellement, le blanc est couleur du roi seulement en tant que chef des armées. Je doute qu'il soit venu le 17 juillet 1789 à l'hôtel de ville en tant que chef des armées. Ça aurait été une provocation. Et l'honnêteté oblige à reconnaître que, en cet été 1789, les couleurs de la ville de Paris ne sont pas le rouge et le bleu, mais le rouge et le brun, qualifié de tanné. Donc, il faut un petit peu corriger cette image couleur de la ville de Paris plus couleur du roi. En fait, le bleu, blanc, rouge sont trois couleurs à la mode bien avant le 14 juillet 1789 parce que ce sont les couleurs de la Révolution américaine qui a éclaté dans les années 1770. Et donc, sur le sol de la vieille Europe, dans les années 1780, beaucoup de personnes qui adhèrent aux idées nouvelles et qui admirent la Révolution américaine et les jeunes États-Unis d'Amérique, se reconnaissent, s'emblématisent par des cravates, des rubans, des ceintures, des étoffes tricolores. Donc le tricolore bleu-blanc-rouge, il est là bien avant la Révolution française et il est fils de la Révolution américaine. D'ailleurs, Lafayette semble avoir joué un rôle à cet égard. Lafayette a beaucoup écrit sur ces questions, mais évidemment tardivement dans ses mémoires, vers 1830. Il ment beaucoup, il se donne le beau rôle, mais il est certain qu'il a pas mal fait pour faire venir en France et même en Angleterre et en Allemagne un certain nombre d'emblèmes américains, dont ce fameux tricolore. Alors la vraie question est de savoir pourquoi le drapeau des jeunes États-Unis d'Amérique est tricolore, bleu, blanc, rouge. Eh bien il l'est parce qu'il s'oppose à un autre drapeau bleu, blanc, rouge, qui est le drapeau britannique, tout simplement. Les insurgés américains se dressent contre la couronne britannique. Ça repousse le problème encore un peu plus haut. Ça devient vertigineux parce que si on se demande pourquoi le drapeau britannique est bleu, blanc, rouge, et il l'est depuis le début du XVIIe siècle, c'est tout simplement parce qu'en 1603, le roi d'Écosse, Jacques VI, devient aussi roi d'Angleterre, Jacques Ier, Stuart, et on fusionne en une seule formule la bannière d'Écosse qui est bleue et blanche, et la bannière d'Angleterre qui est rouge et blanche. Ça fait un drapeau à trois couleurs, l'Union Jack, puisque c'est deux royaumes sous une seule personne, Jacques Ier du Royaume-Uni. Et pour l'instant, uni, on verra. Ça crée le premier tricolore qui va devenir britannique, puis américain, et à mon avis, plus tard, français. Mais si on nous dit que le drapeau tricolore français doit ses couleurs au fait que le roi d'Écosse est devenu roi d'Angleterre en 1603, évidemment, c'est quelque peu difficile à croire. Nous jetterons un voile sur cette perspective, en effet, vertigineuse, même si nous ne détestons pas le vertige historique dans cette émission. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette cocarde est à l'honneur pendant toute l'année 1789. Elle prend place sur les vêtements, sur le bonnet, sur différents objets et documents officiels. Elle devient même, dans certaines circonstances, obligatoire en 1792-93. Elle incarne pleinement la nation et la révolution en marche, et c'est elle qui donne naissance au drapeau tricolore, d'abord sous la forme d'un pavillon de marine en 1794, parce qu'un drapeau à cette époque, c'est d'abord un pavillon de marine. Puis, entre 1794 et 1812, avec différentes étapes et différentes formules, le drapeau des armées de terre, et enfin le drapeau national tel que nous le connaissons. Il y a d'ailleurs eu des hésitations sur l'emplacement des couleurs. Le rouge a d'abord été placé à côté de la hampe et le bleu flottant au vent à l'autre bout. Puis on a inversé et la formule que nous connaissons se stabilise définitivement en 1812. Cloque, chiffon, tricolore ou guenille, symbole image ardente du pays. Pour te chanter, tout mon être pétille, d'émotion d'avance je pâlis. Toi dont les faits produit tant de merveilles, tu n'es pourtant parfois qu'un oripeau. Mais ton nom seul suffit à nos oreilles, car en français on t'appelle drapeau. Notre petit drapeau, notre flotte bien haut, image de la France, symbole d'espérance. Tu réunis en ta simplicité la famille et le sol, la liberté. Mais si parfois la destinée amère vous appelait un jour pour guerroyer, loin du pays, sur la terre étrangère, c'est dans ces plis qu'on revoit le foyer. Bien qu'attristé, on se sent plus à l'aise, on n'est pas seul en voyant ce lambeau. Et si dans l'air passe la Marseillaise, alors on sent ce que c'est qu'un drapeau. Notre petit drapeau, notre flotte bien haut, image de la France, symbole d'espérance. Tu réunis en ta simplicité la famille et le sol, la liberté. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Ce que c'est qu'un drapeau, c'est une chanson de 1909, interprétée par Armand Mestral, les auteurs étant Xavier de Mareille pour la musique et Edgar Favard pour le texte. Vous avez sûrement, Michel Pastoureau, observé en particulier le contenu du refrain « Flotte, petit drapeau, flotte, flotte bien haut, image de la France », on est là, image de la France, symbole d'espérance, donc emblème et symbole, tu réunis dans ta simplicité la famille et le sol c'est aussi assez d'actualité à propos de l'identité française, est-ce qu'on est français par le sol ou par le sang, la famille et le sol, finalement la liberté. Oui, tout y est au fond, toute la panoplie emblématique et symbolique de la France qui a la chance d'avoir un drapeau relativement simple par rapport à d'autres pays, facilement reproductible par les enfants des écoles par exemple, on peut le dessiner facilement. On l'a vu dans la seconde partie de novembre. Oui, il n'est pas très séduisant, il faut bien reconnaître, pour l'œil parce que... Alors bon, ne critiquez pas tout de même. C'est vrai que du point de vue de l'image, si les trois couleurs étaient horizontales au lieu d'être verticales, ce serait plus séduisant si les couleurs étaient parallèles au grand côté du rectangle. Malheureusement, c'était une formule qui avait déjà été prise à l'époque de la Révolution par les Provinces-Unies qui s'emblématisaient par un tel drapeau depuis la fin du XVIe ou le début du XVIIe siècle. C'est toujours le cas pour les Pays-Bas. C'est toujours le cas, donc il a fallu prendre cette version un peu tronquée où les bandes sont verticales et elles ont donné naissance à d'autres drapeaux nés dans les mouvements des libertés, le drapeau belge, le drapeau italien, le drapeau irlandais, un certain nombre de drapeaux africains. Donc cette formule est liée à la démocratie en marche, on ne peut pas le nier. Le symbole d'espérance, l'image de la France, on y est. On y est tout à fait, oui. Il faut donc développer ce qui concerne d'autres emblèmes de la République et de la France. Alors d'autres emblèmes que le drapeau, il y a ce bonnet phrygien qui appelle aussi la curiosité. Oui, dans les premiers événements de la Révolution, en 1789, on voit apparaître un certain nombre d'emblèmes nouveaux qui remplacent ceux d'anciens régimes et qui ont été rejetés, notamment les couronnes, les fleurs de lys, la lettre L pour les rois Louis. Ce bonnet phrygien qui apparaît lui aussi pendant l'année 1789 avec l'idée que c'est un bonnet signe d'esclavage. On dit phrygien parce que la Phrygie, qui est une région d'Asie mineure, passait dans l'Antiquité pour une région d'où venaient de nombreux esclaves, le plus célèbre étant le fabuliste Ésope, un ancien esclave. Dans la Rome antique, ceux-ci portent un bonnet, soit pour souligner leur statut d'esclave, soit plutôt, sous l'Empire en tout cas, leur statut d'affranchi, c'est-à-dire d'ancien esclave. En tout cas, ce bonnet réapparaît sous la Révolution, en même temps que d'autres images faisant allusion à l'Antiquité grecque et romaine. La figuration le représente conique, pointu, et la pointe retombant sur le devant. Il est de couleur rouge. Et il est pleinement insurrectionnel. Il est déjà là alors que la monarchie n'est pas encore tombée. Et plus on avance, 91, 92, 93, plus il est violent et mis en scène. Son port est même déclaré obligatoire dans un certain nombre de circonstances ou dans un certain nombre de lieux. Ça devait être assez curieux de voir tous les chefs couverts du bonnet phrygien. Du bonnet phrygien, lui-même frappé de la cocarde tricolore. Et il y a une espèce de triade qui est récurrente sur un certain nombre de documents officiels, les assignats par exemple à certaines époques, la pique plus le bonnet phrygien plus la cocarde tricolore. Parmi ces objets devenus emblèmes, la pique est déjà là au lendemain de la prise de la Bastille, à la fois comme arme maniée par les insurgés et comme objet emblématique au fond de la Révolution en marche. La pique, c'est une arme qui se fabrique assez facilement. On installe un fer au sommet d'une hampe. D'ailleurs, une légende raconte que, au lendemain de la prise de la Bastille, les ouvriers du fer à Paris, en moins de 48 heures, ont fabriqué 50 000 piques pour être remises aux insurgés. En tout cas, elle fait son apparition comme attribut, emblème de la Révolution en marche, et elle s'oppose symboliquement à l'épée, qui est l'arme noble. Donc la pique devient l'arme roturière et même prolétaire, et plus tard, ce sera l'objet fétiche des sans-culottes, c'est-à-dire des plus extrémistes parmi les partisans de la Révolution dans les classes populaires. Oui, la pique peut devenir très, très sanglante. C'est au bout de la pique qu'on trouve la tête d'un certain nombre d'aristocrates guillotinés. Je pense à la princesse de Lamballe, qu'on montre sa tête à Marie-Antoinette, nous dit-on, au bout d'une pique. Voilà, en 1792, mais précédemment, c'était le gouverneur même de la Bastille, Launay, dont la tête avait été installée au sommet d'une pique. Mais le bonnet phrygien est toujours sur la tête de nos Marianne, sur le timbre-poste. Oui, alors il s'est assagi, il a pris des formes vestimentaires plus séduisantes ou plus féminines. Il est l'image de cette femme qui incarne soit la République, soit la liberté. Cette Marianne, elle ne prend ce nom qu'assez tardivement dans les années qui suivent la Révolution de 1848. Mais l'image d'une femme, d'une personnification qui incarne soit la patrie, soit la nation, soit la liberté, soit la raison même ou la justice, apparaît dès 1789 et triomphante lors de la fête de la Fédération en juillet 1790, prend place sur le sceau de la République à l'automne 1792, et c'est une allégorie, comme il y en avait déjà sous l'Ancien Régime, une personnification féminine pour incarner des vertus. Ici, on joue sur plusieurs tableaux, c'est à la fois la liberté, la nation, la patrie, et elle reçoit ce nom de Marianne, peut-être par dérision, on ne sait pas très bien, même Maurice Agulon, le grand spécialiste de l'histoire des Mariannes républicaines. Il a publié plusieurs livres sur ce sujet et un excellent petit volume de la collection Découverte chez Gallimard. Il reconnaît que on ne sait pas très bien d'où vient ce prénom appliqué à la figure de la République. En tout cas, il est déjà bien là dans les années 1875. Pourtant, il a trouvé la genèse de ce nom du côté du Tarn, puis Laurence. On voit apparaître la Marianne. Oui, il évoque même dans un article l'idée que c'est peut-être à l'origine un nom un peu lié à la dérision et que ce sont peut-être les ennemis de la République qui l'ont qualifié ainsi à ses tout débuts. Et puis, le code s'est au fond inversé, ce nom est assumé et il incarne la femme du peuple, qui peut être assimilée à la nation, à la République ou à la patrie. La dérision renaîtra sous la Troisième République du côté de ceux qui sont les adversaires de cette Troisième et qui restent attachés à l'idée monarchique. Oui, il y aura des maires qui refuseront de placer des Mariannes dans leur mairie ou sur leur monument aux morts. Il y en a d'autres qui la représenteront de manière ridicule pour la dévaloriser. Et puis, la Ve République fera appel à des vedettes de l'écran ou de la chanson pour incarner cette figure féminine. Et Madame Deneuve, Madame Casta prêteront leurs traits pour représenter cette Marianne totalement symbolique, très pacifiée aujourd'hui et fortement consensuelle. Alors dans cette émission consacrée aux emblèmes de la France et en particulier de la République, un mot sur la devise « Liberté, égalité, fraternité ». C'est aussi un emblème qui figure d'ailleurs dans la Constitution. Oui, et sur le sceau de l'État, sur les monnaies, elle est apparue sous différentes formules. Les devises sont à la mode dans les années 1780 et en 1789, ils circulent pour célébrer les idées nouvelles, différentes formulations. Le roi, la loi, la nation, ou la loi, la nation, le roi. L'ordre est important. Puis l'idée de liberté, justice, égalité. Avant d'en arriver à liberté, égalité, fraternité, il faut attendre un certain nombre d'années pour que la formule se stabilise. Mais ou la mort, ajoutée. Ou la mort, quelquefois, on a ajouté, en 93 et 94. La terreur. Sous le Directoire, la formule se stabilise, mais elle est rejetée par Napoléon, à la veille d'instituer l'Empire. Il préfère la formule liberté et ordre public, qui sonne assez mal, la triade liberté, égalité, fraternité, du point de vue sonore et magnifique. Les devises étaient plus souvent binaires jusque-là que ternaires. Oui, elles sont souvent binaires, mais ternaire, ça sonne très bien, donc elle va réapparaître, bien sûr, sous la Seconde République, se faire discrète sous le Second Empire, et puis la Troisième République va en faire une véritable institution et la proclamer devise nationale. Le mot de fraternité a évolué, certains ont voulu en 48 l'installer au cœur, liberté, fraternité, égalité. Oui, avec l'idée que c'est la fraternité qui est la condition et de la liberté et de l'égalité. Donc ce serait une vertu plus importante encore que les deux autres. Malheureusement, c'est une vertu qu'on ne peut pas instituer par décret. La liberté à la rigueur, l'égalité oui, mais la fraternité ça ne se décide pas. Eh bien, nous en avons pourtant rudement besoin par les temps qui courent. Alors, je voudrais que nous terminions cette conversation, Michel Pastoureau, en évoquant la Marseillaise et le 14 juillet. La Marseillaise qui a ressurgi d'une façon qui a beaucoup frappé ces dernières semaines. J'aurais pu choisir beaucoup d'images sonores. Je me souviens d'avoir fait une émission il y a longtemps avec Michel Vauvel sur ce sujet. Nous avions fait une anthologie des présidents de la République chantant la Marseillaise. C'était assez cocasse parce que la plupart chantaient très faux. Vous allez juger si le général de Gaulle chante faux en Normandie le 9 octobre 1944. Il est à Caen. À nous rebâtir, morceau par morceau, pont par pont, port par port, ville par ville, maison par maison. Nous avons à nous rebâtir, dis-je, pour être plus fort, plus puissant, plus grand que nous l'étions. C'est l'œuvre à faire en commun par tous les fils et toutes les filles de la France, rassemblés, même si certains ont pu se tromper, du moment qu'ils étaient de bonne foi, rassemblés autour d'un seul drapeau, autour d'une seule patrie, le drapeau de la France, la patrie française. Tous, dans la nuit, bien d'accord, devant votre monument aux morts de la Grande Guerre, auquel nous joignons tous ceux des citoyens et des citoyennes de Caen qui sont morts dans leur ville ou hors de leur ville pour le service de la France, tous ensemble, dis-je, pour marquer notre union et notre volonté. Nous allons chanter pieusement. L'hymne national, la Marseillaise. C'est fini. Nous n'entendrons plus une Marseillaise aussi poignante, hurlée dans la nuit par des gens sans foyer, relevant d'un affreux calvaire et descendus dans les décombres de leur ville pour y voir groupé sous la seule et pâle lueur d'un phare d'auto le soldat de 14 gravé dans la pierre, la silhouette haute et vivante du général de Gaulle et les plis de notre drapeau. Les plis de notre drapeau. Le drapeau tricolore n'avait pas été abandonné par le régime de Vichy. Comme la devise, puisqu'ils avaient remplacé liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, ils ont conservé le drapeau, mais le drapeau a pris une force évidemment au service de la résistance, drapeau tricolore renouvelé. Oui, et le régime de Vichy avait rejeté le coq avec cette phrase terrible prononcée par un héraldiste au service du maréchal Pétain, « Renvoyons le coq gaulois à son fumier ». La Francisque avait pris la place du coq. Vous avez remarqué sûrement l'adverbe « pieusement » dans la bouche du général de Gaulle. Et le caractère sacré de cet hymne de la Marseillaise. Oui, qu'on a qualifié d'ailleurs, je crois que c'est Goethe, de « tédéum républicain ». À un moment, Goethe a eu quelques sympathies pour la Révolution française en marche à ses débuts. Après, bien sûr, il a fait marche arrière. Mais il était admiratif de ce chant très entraînant qui est né au fond de la Révolution partant en guerre au printemps 1792. La Marseillaise est née non pas à Marseille mais à Strasbourg. C'est le maire de Strasbourg, un bourgeois éclairé d'Ittrich, qui a regretté en ce mois d'avril 92 qu'il n'y ait pas un chant patriotique pour entraîner les armées, notamment l'armée du Rhin, prête à affronter les armées de l'empereur et du roi de Prusse. Et alors, cela a résonné dans la tête d'un jeune compositeur amateur qui, en une nuit, a créé cette chanson, à la fois la musique et les paroles, que Dietrich lui-même a interprété deux, trois jours après. Ce jeune homme s'appelait Rouget de Lille. Un franc-comtois. On a parfois, d'ailleurs, contesté la paternité de la Marseillaise à Rouget de Lille, mais ça ne résiste pas à l'analyse des faits. Au départ, il ne s'agit pas d'un chant national, ni même d'un chant chanté par toutes les armées de la Révolution en marche, mais c'est lorsque, pendant l'été 1792, qu'un corps de fédérés marseillais monte à Paris pour demander la déchéance du roi au mois d'août, et qu'il entonne tout au long de ce cheminement à pied de Marseille à Paris, ce chant devient un chant à portée presque nationale, à l'été donc 1792. Mais il faudra attendre encore 3 ans pour qu'il devienne officiellement le chant de la France. C'est la convention thermidorienne qui l'a adopté comme chant national. Je crois à une voix encore de majorité. Son concurrent était le fameux chant du départ, qui pour ma part d'ailleurs me semble, du point de vue mélodieux, plus séduisant. Le principe de l'hymne national, il est répandu depuis quand? Parce qu'il paraît désormais universel. Il est presque universel, mais il est assez récent, puisque sous l'Ancien Régime, la France n'a pas d'hymne national. Il y a quelques chansons traditionnelles qui célèbrent la monarchie. Au XVIIe et XVIIIe siècle, deux sont particulièrement chantées. Vive Henri IV et Charmante Gabrielle, deux chansons qui ne datent pas d'ailleurs de l'époque d'Henri IV, mais du milieu du XVIIe siècle, mais qui vantent le bon temps du roi Henri IV. Gabrielle d'Estrées ? C'est Gabrielle d'Estrées, bien sûr, la maîtresse du roi. En tout cas, d'autres pays ont précédé la France dans le choix d'un hymne national. Il semble que ce soit les Provinces-Unies, une fois encore, qui aient devancé tout le monde dès les années 1600, avec un hymne vantant les vertus de Guillaume d'Orange. Guillaume Guillaume d'Orange l'Ancien, et puis le Royaume-Uni qui adopte un God Save the King vers 1740, des paroles nouvelles sur une musique qui était déjà bien connue, et qui est restée l'hymne national le plus joué dans le monde. Donc la France, au fond, suit un mouvement qui est dans l'air du temps, et c'est en 1795 que la Marseillaise est adoptée une première fois comme chant national, puis naturellement rejetée sous l'Empire, sous la Restauration, sous le Second Empire, où Napoléon III voudrait faire hymne national une romance troubadour dont la musique est due à sa mère, la belle Hortense de Beauharnais, partant vers la Syrie, le jeune et beau Dunois, je ne me souviens plus des paroles suivantes. Oui, ça n'avait pas beaucoup de chance de réussir, de prospérer. Non, et une mélodie que Pierre Larousse, qui était un anti-bonapartiste fervent, qualifiait de d'écœurante mélodie. Et donc la Marseillaise revient avec la République et devient définitivement le chant national, je crois, en 1879. Alors je voudrais que nous terminions, Michel Pastoureau, cette émission consacrée avec vous aux emblèmes de la France et de la République, avec la fête nationale, du 14 juillet. Il n'y avait pas de fête nationale sous l'Ancien Régime, il y avait une série de fêtes qui étaient reliées directement à la vie de la monarchie. Cette idée de fête nationale s'impose définitivement à partir de la Troisième République. On croit souvent que le 14 juillet remonte très loin en arrière. En réalité, c'est l'anniversaire de la prise de la Bastille et de la fête de la Fédération de 1790 qui est choisi après beaucoup de débats au début de la Troisième République, dès lors qu'elle devient vraiment républicaine, qui est choisi dans des conditions qui méritent d'être rappelées. Mais auparavant, je voudrais vous faire entendre une chanson de René Lebas, une chanson qui remonte à 1943. Dont l'auteur est Jean Villard, VI2LARD, il ne faut pas confondre les deux Jean Villard. En fait, c'est un chanteur suisse qui a eu beaucoup de succès, notamment dans l'entre-deux-guerres. Cette chanson est interprétée par une chanteuse qui est réfugiée, elle est juive, elle est réfugiée en Suisse. 14 juillet, René Lebas, 1943. En moi, quelle est donc cette voix lancinante et mélancolique qui sur un rythme accroissant me prend et me surprend et me dit en chantant « Rappelle-toi les beaux jours d'autrefois, le plaisir et les folles musiques sur le boulevard fleuri, joyeux charivari, la gaieté de Paris. » C'était le 14 juillet, au Paris que j'aimais, tu tournais en cadence. Partout de l'étoile au faubourg, sous les feux de la tour, dans un élan d'amour. Toute la rue était à nous, la chaussée et les clous faisaient place à la danse. Et même la chambre de planton rengainait son bâton pour danser le boston. Et de Montmartre à Montparnasse, comme de gais moineaux, sans souci de la vie, nous couchions dans la chaleur, sous les lampions en fleurs, le climat du bonheur. L'air est subtil et mouvant, oh quel enchantement, quelle esquisse folie. Où reverrons-nous jamais les lampions, les bouquets du 14 juillet? Je vois encore, jetant leurs flèches d'or, éclater les feux d'artifice. De la foule gris montait et du ciel qui s'ouvrait, il pleuvait des bouquets. Tendre gaieté, soir de fraternité, tous amis, tous copains, tous complices, pour chanter et pour fêter dans ce beau soir d'été ton grand nom, Liberté. Le 14 juillet, coquelicots et bleuets sur des épaules blanches, partout chantaient les trois couleurs et personne en son cœur ne pensait au malheur. Hélas, le malheur a fondu sur le peuple éperdu ainsi qu'une avalanche. Il ne restait au matin sur le triste jardin que des lampions éteints. Un jour nous les rallumerons, au Paris beau fleuron de l'humaine sagesse. Nous avons besoin de toi, de ton cœur, de ta voix, de ton goût, de ta loi. La raison nous reviendra, tu verras, ça ira, et alors quelle ivresse. Quand nous reverrons bien français refleurir les bouquets du 14 juillet. Évidemment, la date de 1943 est essentielle. La raison reviendra, tu verras, ça ira. Cette nostalgie est omniprésente et en même temps teintée d'espérance. Oui, c'est la nostalgie d'un 14 juillet populaire, convivial, consensuel et pacifié. Et républicain. Et républicain, les malheurs du temps en 1943 font regretter cette période heureuse. Mais le choix du 14 juillet comme fête nationale par la Troisième République ne s'est pas fait sans controverse. D'abord, l'adoption s'est faite en deux temps, 1879-1889, et il y avait à gauche des partisans, non pas du 14 juillet, mais du 4 août 1789, qui marque la fin des privilèges, la fin de l'ancien régime. La nuit du 4 août. La nuit du 4 août, qui s'est déroulée sans que le sang coule. Donc c'était un événement, au fond, relativement pacifique, contrairement au 14 juillet. Et une république modérée aurait préféré le 4 août comme fête nationale, mais le 14 juillet était sans doute plus fort, c'était le peuple en armes, c'était la fin du despotisme symbolisé par la Bastille. Plus la fraternité. Plus surtout le 14 juillet 1790, qui au fond marque peut-être plus l'identité nationale que le 14 juillet 1789. En tout cas, c'est ce qu'on a mis en avant sous la Troisième République. Mais il y a fallu du temps pour que tout le monde accepte cette date comme fête nationale. Et jusqu'aux années 1900, au fond, il y a pas mal de familles ou d'individus qui, le jour du 14 juillet, ferment le volet, ne sortent pas de leur maison. Il y a des mères qui refusent de participer aux festivités. Et puis ça se calme à la veille de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le 14 juillet n'est plus contesté comme jour de la fête nationale. Il s'est même un peu abattardi par des manifestations qui célèbrent plutôt le début des vacances que l'unité de la République. C'est un emblème, le 14 juillet, vous le diriez, Michel Pastoureau ? Oui, un emblème, ça n'est pas nécessairement une image ou un objet, ce peut être un lieu, ce peut être une date, ce peut être sonore, comme l'hymne national, il y a toute forme d'emblème. Donc le 14 juillet, pour moi, est un des emblèmes de la France. Eh bien, nous terminerons avec celui-ci, Michel Pastoureau. Grand merci pour nous avoir éclairé sur ce sujet qui a repris une actualité très forte, nous l'avons senti, depuis le 13 novembre dernier, à vrai dire tout au long de l'année qui vient de s'achever, tout au long de 2015. Vous avez publié en 1998 un livre qui s'appelait Les emblèmes de la France, aux éditions Bonneton. Vous projetez, je crois, de les rééditer avec des illustrations supplémentaires, non ? Oui, en adoptant un plan un peu différent. Là, il s'agit d'un dictionnaire alphabétique et j'aimerais en faire un livre d'histoire chronologique amplifié et puis tenant compte des travaux assez nombreux qui sont parus depuis cette date, alors que quand j'ai rédigé mon livre en 1998, il n'y avait pas grand-chose. Mais il y a maintenant un livre important de Bernard Richard qui s'appelle Les emblèmes de la République, qui vient de paraître, je l'ai signalé en passant, aux éditions du CNRS. Nous avons fait fond également sur les lieux de mémoire, bien sûr, dirigés par Pierre Nora, où il y a des entrées concernant la plupart des sujets que nous avons évoqués. Je voudrais aussi rendre hommage, même si d'autres livres se figureront sur notre site, rendre hommage à votre Histoire d'une couleur, le bleu, paru au Seuil en 2000, et puis tout récemment, un ouvrage qui s'intitule, ce peut être intriguant, Le roi tué par un cochon, paru il y a très peu de temps aux éditions du Seuil. Samedi prochain, nous parlerons des Allemands et de leur monnaie. Nous sentons bien combien la réalité et la mythologie du Mark pèsent et comptent dans les grands débats d'aujourd'hui, en relation avec la Grèce en particulier, et plus largement l'Europe en marche. Les Allemands et leur monnaie, l'obsession d'une vertu. Et je recevrai pour en parler Johann Chapoutot.